même pas d'idées précises. De choses à faire aujourd'hui. Tous mes projets sont indécis. Et mes chansons vouées à l'oubli. Un jour peut-être, sur cette planète, une jolie fille entre mes bras. J'aimerais bien m'acheter une pizza. Mais je n'ai plus assez d'argent. J'aimerais que Floriane soit à moi. Et que revienne le printemps. Un jour peut-être, sur cette planète, cette jolie fille entre mes draps. Peut-être sur cette planète, n'importe quelle fille, mais quand même jolie, tout contre moi.